Comment faire partie de celles qui refusent du monde? Il existe deux types de femmes, celles qui rament pour faire des rencontres et celles qui sont blasées car elles ne peuvent aller nulle part sans qu'il y ait au minimum trois possibilités de conclure dans la soirée. Je présume que faire partie de la deuxième catégorie te paraît bien plus tentant que la première. Tu as bien raison, mais je te préviens, ce n'est pas de tout repos, et il t'arrivera fréquemment de trouver fatigant ces trop nombreuses sollicitations. Ce qui est pratique, c'est que tu ne crèveras jamais la dalle. Attention tout de même à ne pas briser les cœurs de tes nombreux prétendants. N'oublie pas que les hommes sont fragiles. Peut-être es-tu en train de te demander comment passer de la catégorie 1 à la catégorie 2. Dans ce cas, je devrais te gronder, car cela voudrait dire que tu n'as pas utilisé mes précédents conseils. Et ça, c'est mal. Ou alors que tu n'as tout simplement pas tout compris. Du coup, je te pardonne et t'offre une petite piqûre de rappel qui tient en une seule phrase. Tout est une question de confiance en toi. Et surtout, pas besoin d'être un avion de chasse pour emballer. Autre point important, la séduction, c'est comme le vélo. Ça s'apprend et surtout, ça ne se perd pas. Je vais quand même te donner un truc qui marche à tous les coups. Sois toi-même en version inaccessible. Plus tu donnes l'impression d'être inabordable, plus les mecs auront envie de te connaître. Le côté challenge, sans doute. Je précise, au cas où tu dis que cette définition ne te ressemble pas, qu'il n'est pas nécessaire de changer fondamentalement. Il suffit de faire comme tout le monde. Tu portes un masque. Mais pas n'importe lequel. Celui d'une tigresse. Alors, prête pour entrer dans l'arène ? C'était Evan Matisse, et je te dis à bientôt pour un nouvel épisode.